Bon, demain, on part à 6h du matin. Oh, 6h ! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et du coup, réveil à 4h. Oh, non. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 5,50%. C'est le taux d'intérêt brut annuel pour toute première ouverture d'un livret plus pendant 4 mois. Fortunéo, j'aime ma banque. Offre valable jusqu'au 15 avril 2024 sur vos versements jusqu'à 100 000 euros, limité à un livret plus par personne majeure. Taux annuel brut contractuel de 2% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions et fiscalité sur fortuneo.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, tueur de DRH. En janvier 2021, un homme tue 3 personnes et en blesse une quatrième, le tout en moins de 24 heures, dans un road trip mené entre le Haut-Rhin, la Drôme et l'Ardèche. Le point commun entre les victimes, le monde du travail, ses conflits larvés, ses espoirs ruinés, que Gabriel Fortin, le tueur, consigne dans des notes sur ses futures victimes, tout en soutenant les gilets jaunes et en s'interrogeant sur le Covid. Un syncrétisme de la colère, sous forme de notes donc, par dizaines de milliers, dans lesquelles les policiers découvrent aussi un ancien flirt, deux avocats et un procureur de la République qui eux aussi devaient mourir. Alors comment se met en place ce délire paranoïaque? Et que dit cette mécanique de notre société? Retour sur la trajectoire d'un tueur, à la détermination implacable qui souffre surtout de ne pas être reconnu. C'est un drame du déclassement. Notre invité aujourd'hui, Marion Dubreuil, chronique judiciaire pour RMC Info. Elle a suivi le procès de Gabriel Fortin aux Assises, dont elle a réalisé un podcast en 3 épisodes, produit par RMC et Paradisio. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mardi 26 janvier 2021, il est 15h. Les nuages recouvrent Nancy, il ne va pas tarder à neiger. Au deuxième étage de sa résidence sociale, Gabriel Fortin jette un dernier coup d'œil autour de lui. L'appartement est vieillot, foutraque, mais tout est calme. En tout cas, l'essentiel est là. Deux enveloppes posées sur la table. La première est adressée à Francine. C'est une carte de vœux sur laquelle il a écrit « Chère maman, merci pour ces moments. Prends soin du chien, Gabriel. » La seconde est pour son frère. Olivier, merci pour ces moments. Prends soin de maman, Gabriel. Certes, le signataire reconnaît de bons moments passés avec ses deux proches, mais il se sent si différent d'eux. Quelques semaines plus tôt, lorsqu'il a renvoyé ses relevés bancaires, plus de 100 000 francs tout de même, plus 40 000 d'assurance vie, accompagné du mot héritage, sa mère a cru qu'il pensait au suicide. Une fois de plus, elle le prenait pour un loser. Mais tel n'est pas le cas, non. Il est victime d'un système injuste. Nuance. Mais il ne va pas se laisser faire. Et bientôt, la peur va changer de camp. Il enfile sa veste, sa casquette, attrape son sac à dos. Et c'est à dessein qu'il laisse son téléphone portable. Il ne veut pas prendre le risque de borner, comme disent les flics. Idem pour sa polo, qu'il a laissée à sa mère, après avoir glissé un papier derrière le levier de vitesse, sur lequel il a écrit « Attention, mouchard, GPS ». Par les temps qui courent, mieux vaut se méfier. Puis il saisit les clés de la Hyundai rouge qu'il vient de louer et ferme la porte pour la dernière fois. Après 2 heures de route, le voilà qui arrive à Volksgrenzen, sur le parking de Knauf, une entreprise de matériaux isolants. Il est 18h, la nuit est tombée, il se gare et il attend en écoutant le dernier flash. Et à 18h, le journal nous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Le forum économique de Davos, dominé par la lutte contre le Covid-19 et la question de l'accès aux vaccins, Marie-Pierre Véraud nous rend compte des discussions dans un instant. Va-t-on vers une loi historique contre la maltraitance animale? C'est ce que pensent les auteurs de la proposition de loi débattue à partir de ce soir à l'Assemblée. Une loi contre la maltraitance animale, est-ce une blague? Décidément, plus rien ne tourne rond dans ce monde. Alors il coupe la radio et se concentre sur sa mission. A-t-il peur? Non. Il connaît les habitudes de sa future victime. Par cœur. Il l'a observé tellement de fois. Avec le couvre-feu dû au Covid, il sait qu'elle ne traînera pas. d'autant que ses filles l'attendent chez elles, à Orschwihr, un joli village situé à 30 km de là. Quelques minutes passent, et en effet, la voilà. C'est bien elle, Estelle Luce, qui se dirige vers sa BMW, non loin de lui sur le parking. Alors, le moment est venu. Gabriel ajuste son masque, sort de sa Hyundai et se dirige droit vers elle. Il la voit qui boucle sa ceinture, et au moment où elle enclenche le moteur, il tend son bras et tire 4 fois, puis s'enfuit. Quelques minutes plus tard, une collègue arrive sur le parking et s'inquiète. Les phares de la voiture d'Estelle sont restés allumés et le moteur tourne à vide. Bizarre. Elle s'approche et la découvre morte, 3 balles dans la tête. À côté d'elle, son téléphone portable avec ses derniers mots envoyés à sa fille « Je pars ». Dès le lendemain, France 3 Grand Est relaie le drame. La piste criminelle privilégiée par les gendarmes dans la mort d'une femme hier à Wolfgangsen dans le Haut-Rhin. D'après les premiers éléments recueillis, elle est tuée par arme à feu. Âgée de 39 ans, elle était originaire d'Orschwihr. Le parquet de Colmar a ouvert une enquête pour assassinat. Chez Knopf, l'émotion est immense. Enfin, pourquoi elle ? Tous décrivent la jeune femme souriante, heureuse d'avoir quitté sa Normandie natale pour refaire sa vie en Alsace. En outre, c'était une excellente DRH. Les gendarmes sont circonspects. Et alors qu'ils collectent les premiers indices, voilà qu'une autre agression a eu lieu à 40 km de là, chez Bertrand Méchel, lui aussi DRH. J'étais chez moi en visioconférence avec mes collègues. Soudain, vers 18h40, quelqu'un a sonné à la porte habillé en livreur de pizza. Il portait un masque et avait un carton dans les bras. Il m'a demandé d'un ton calme et froid si j'étais bien Bertrand Méchel. J'ai dit oui, et soudain un coup de feu est parti. Il m'a manqué à 10 cm près. Son arme a dû s'enrayer car la balle s'est nichée dans ma porte. Et immédiatement, il s'est enfui. Il s'enfuit, mais Bertrand Méchel le rattrape. En chaussettes dans la neige, voilà Fortin qui essuie des coups, perd ses lunettes, mais parvient à lui arracher le masque et la casquette. Hélas, sans ses lunettes, il n'a pas le temps de reconnaître son agresseur, ni de lire la plaque de la voiture qui s'éloigne dans la nuit. C'est dans l'ambulance qui le mène aux urgences que Bertrand Méchel apprend que celle qui était son assistante 15 ans plus tôt a été assassinée. Est-ce un hasard ou une opération planifiée ? Les gendarmes ont besoin d'en savoir plus sur leur ancienne relation. Ils découvrent alors que les deux victimes ont travaillé ensemble durant 6 ans en Normandie dans les années 2000. Un duo qui fonctionnait bien. Le nom de la boîte, Francel. Une société de matériel pour le gaz naturel qui venait d'être rachetée par le géant américain Emerson. Or, peu après ce rachat, Emerson avait lancé un plan social et laissé Bertrand Méchel à la manœuvre. Heureusement, sa jeune stagiaire Estelle était là pour l'aider. Et il appréciait son caractère opiniâtre. Cela suffit-il pour autant pour imaginer une vengeance ourdie par un ancien salarié ? Possible. Mais c'est si loin, cette histoire. Ce plan social remonte à 15 ans. Ou peut-être y aurait-il un lien avec ce livre, DRH, la machine à broyer, paru au Cherche Midi. En 2018, son auteur Didier Bille, un ancien DRH, témoignait sur le site du Figaro. Est-ce que les salariés doivent craindre les ressources humaines de leur entreprise ? Écoutez, si on en croit les derniers sondages, la plupart des salariés savent pas ce que font les ressources humaines. Mmh. Les craindre, oui. On doit craindre les ressources humaines. Parce que, je l'ai dit ailleurs, donc je vais le répéter. Mmh. Dans le meilleur des cas, bien souvent, les ressources humaines ne servent à rien. Et dans le pire des cas, elles servent à quelque chose. Mais ce n'est pas spécialement bon pour les salariés. Vous dites que cette fonction est devenue le bras armé des directions, des actionnaires de leur politique, de la terre brûlée. Qu'en est-il du contre-pouvoir et du rôle de garde-fou qui incombe normalement au RH ? Alors, peut-être plus maintenant, parce que j'en ai parlé. Mais il y a 2 semaines de cela, vous auriez rencontré 99% des RH, vous leur auriez parlé du fait qu'ils sont un contre-pouvoir, ils n'auraient même pas compris de quoi vous leur parliez. C'est peu de dire que ce genre de témoignage ne véhicule pas une bonne image de la profession. À cette époque, Estelle Luce avait alerté son collègue. Attention, de faux profils circulent autour de leur nom sur le réseau LinkedIn. Et des messages injurieux les visent sur Twitter et Facebook, sous l'hashtag « Balance ton DRH ». Alors, l'un de ses collègues, Bertrand Mavet, avait porté plainte contre X et Estelle était devenue prudente sur les réseaux. Elle avait raison, car derrière ses profils, une seule adresse IP, celle que Gabriel Fortin utilisait depuis la bibliothèque Stanislas de Nancy près de chez lui. peu à peu, il passe des réseaux à la surveillance physique, puis aux assassinats de sang-froid. La suite, elle se joue dès le lendemain matin, à 500 km de là, dans une agence Pôle emploi de Valence, où dès 8h30, Gabriel Fortin réitère froidement ses actes de la veille. Comme l'explique Alex Perrin, le procureur de la République de Valence, sur France Inter. Ce matin, effectivement, c'est cet homme, qui est un homme de 45 ans, originaire de l'Est de la France, s'est présenté donc à cette agence Pôle emploi, donc c'était vers 8h30, comme s'il était effectivement inscrit à l'agence, ce qui a priori n'était pas le cas. Il a souhaité consulter la borne interactive de recherche d'emploi, et puis il a eu un contact avec, semble-t-il, un certain nombre d'agents. Tout ça se passait de façon parfaitement normale. Son comportement n'était pas inadapté, il n'était pas agressif. Au moment de partir, il a sorti une arme et il a fait feu donc sur cet agent, âgé de 53 ans. Il l'a atteint mortellement au niveau thoracique et il est parti. Manifestement, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance avec les armes, ça c'est sûr. Alex Perrin voit juste. Gabriel Fortin est membre d'un club de tir. Il a même acquis un pistolet Glock et un Taurus 9 mm avec lequel il se présente à Pôle emploi. Et le voilà qui décline une fausse identité. Rachid Arzaoui déplore une erreur d'indemnisation, puis se dirige vers un bureau dont il ouvre calmement la porte. Face à lui, la responsable Patricia Pasquion, qu'il ne connaît pas, mais qu'il vise à la tête et au thorax. La femme s'effondre au milieu de ses collègues. Immédiatement, le maire de Valence se rend à l'agence et il témoigne. Ils pleurent tous. Ils viennent de vivre un moment qui n'est pas explicable. On ne comprend pas pourquoi cette dame, qui était appréciée de tous, a été visée. Arrivée sur les lieux, la sœur de la victime confirme. Patricia aimait faire la fête, travailler. Elle se donnait à fond, même si le travail était parfois agressif. Un jour, elle avait même été attrapée par le col et avait reçu un objet à la figure. L'onde de choc s'étend au syndicat qui répète depuis des années que la profession est en danger. Sylvie Severovitch de FO affirme qu'il n'y a pas une semaine sans que des incivilités se produisent. Constat partagé par Christine Bro de la FSU qui précise « Il règne un climat anxiogène dans nos unités, accentué par les sous-effectifs. Nous n'en pouvons plus d'absorber la détresse. » D'autant qu'en pleine crise sanitaire, les agents de Pôle emploi doivent affronter un public tendu. En 2021, les syndicats recensent 14 000 signalements pour agressions verbales et physiques, soit une hausse de 40% par rapport à la période pré-Covid. Au micro de France Inter, Denis Lalis de la CGT explique. On a été sidérés par cette catastrophe. Nous vivons de plus en plus dans nos accueils, qu'ils soient d'ailleurs physiques ou téléphoniques, des situations tendues avec des allocataires qui n'en peuvent plus, qui littéralement pètent un plomb au regard de la situation qu'ils vivent. Et effectivement, nous, les salariés de Pôle emploi, sommes en première ligne, je dirais, comme souvent d'ailleurs les agents des caisses d'allocations familiales. Nous sommes en première ligne pour accueillir le désarroi de ces allocataires, désarroi et désespoir qui parfois se transforment en violence. Et là, ça a été effectivement un drame humain. Et les cellules psychologiques sont ouvertes. En outre, on décide que les 900 agences de Pôle emploi en France resteront fermées 24 heures et qu'un CSE extraordinaire sera organisé pour répondre à la peur des salariés. Puis c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui fait le déplacement à Valence. Exprimant son émotion, elle qualifie ce meurtre d'intolérable. Précision cruelle, Patricia Pasquion a été choisie au hasard, comme la victime symbolique d'un système à bout de souffle, dont elle essayait pourtant, et chaque jour, d'endiguer la dérive. Mais qui est donc cet homme capable de tuer au hasard? Et d'ailleurs, où est-il? Juste après avoir tiré sur Patricia Pasquion, Fortin se rend à l'entreprise Faune Environnement, à 10 km de là, sur la commune de Guilherand-Grange-les-Valence. 150 personnes y travaillent. Il y entre sans difficulté, car comme l'explique l'un des ouvriers, théoriquement, il faut un badge, mais en vérité, il suffit d'entrer en même temps qu'un livreur. Vous savez, ici, ça sort et ça rentre non-stop. En outre, Fortin connaît les lieux. Il y a travaillé entre 2008 et 2010, avant d'être licencié pour motif personnel cette fois. Alors il entre et réclame son ancien DRH. La secrétaire s'étonne, car aucun rendez-vous n'est noté sur l'agenda. Mais elle obtempère. et le mène au bureau de Géraldine Caclin. Il la suit, entre dans le bureau, la regarde et tire deux fois. Cette femme de 51 ans meurt devant ses collègues. L'un d'eux, sous le choc, raconte au micro de France 2. J'ai eu un gars débouler l'escalier en face de moi, qui sautait les marches de l'escalier, qui m'a dit « Partez vite, il y a quelqu'un avec un fusil en haut dans les bureaux. » Avec un fusil, maintenant après, je ne sais pas si c'est un fusil ou pas, mais enfin, voilà. Et sur le coup, on n'y croyait pas du tout. Dans Libération, un autre collègue raconte « J'étais à la machine à café. Des gars sont arrivés en criant « Il y a un type qui tire !» L'alarme incendie a été déclenchée. Nous avons fui de tous les côtés car c'était la panique. » Une panique qui favorise une fois de plus la fuite de Gabriel Fortin. Il est alors 9h15. Quelques minutes plus tard, tandis qu'il emprunte le pont Frédéric Mistral à contresens pour retourner à Valence, il tombe sur un barrage de police. Dans une scène digne d'un polar, le voilà qui zigzague sur la chaussée, percute une voiture et s'arrête net. Les policiers l'interpellent et le menottent. Dans son véhicule, un pistolet Glock qui n'a pas encore servi et des dizaines de munitions sont retrouvées. C'est la fin du périple multicriminel. Dans la nuit, le brouillard, les dangers du hasard, l'heure qu'il est, on sait pas, on se perd dans nos pas. Mais t'es qui toi? Oui, t'es qui? Réveille-moi. J'entends des cris, j'entends des voix, réveille-moi. Dans la nuit, des bâtards, des loups, des salopards. Ce qu'on fait, on sait pas, on se perd dans nos pas. Mais t'es qui, toi? Oui, t'es qui? Réveille-moi. À travers les ornières, les gouffrets, les congères, le blanchisseur de neige nous lance un sortilège. On est maudit, pris au piège. Réveille-moi. J'entends des cris, j'entends des voix. Réveille-moi. Dans le froid, le brouillard, où s'engluent nos regards. Qui je suis, je sais pas, mais je trouve plus mes pas. Et t'es qui, toi? Toi qui cherches un asile en marchant sur le fil de mes réminiscences, garde bien la distance, dis-moi. T'es qui? Dis-moi, t'es quoi? Toi la folie, réveille-moi. J'entends des cris, j'entends des voix, réveille-moi. Il est tard, on s'annule, on s'égare. Où l'on est, on sait pas, on se perd dans nos pas. Mais t'es qui, toi? Oui, t'es qui? Réveille-moi. Dans le creux de tes yeux, le bleu de tes cheveux, je m'abandonne ailleurs, dans les goûts des couleurs. Est-ce que je ne suis qu'une erreur? Réveille-moi. J'entends des cris, j'entends des voix. Réveille-moi. Dans le froid, le brouillard, où s'engluent nos regards. Qui je suis, je sais pas, mais je trouve plus mes pas. Et t'es qui, toi? Toi qui cherches un asile en marchant sur le fil de mes réminiscences. Garde bien la distance, dis-moi. T'es qui? Dis-moi, t'es quoi? Toi la folie, réveille-moi. J'entends des cris, j'entends des voix. Réveille-moi. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Gabriel Fortin, le tueur de DRH. Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Gabriel Fortin est placé en garde à vue, mais il reste mutique. Idem devant le juge d'instruction. Pour le procureur de Valence, la préméditation ne fait aucun doute. Avis partagé par la PJ et la gendarmerie, qui le suspecte d'être aussi l'auteur du meurtre commis sur le parking de Volkswagen, ainsi que la tentative de meurtre à Wattwiller. Le point commun entre ces quatre affaires, le cadre professionnel, des relations de travail qui auraient mal tourné. Mais encore faut-il le prouver. Par chance, à Wattwiller, Bertrand Méchel était parvenu à arracher au tueur son masque et sa casquette, en recueillant ainsi une part de son ADN. Et sa match, Fortin, est bien le seul et unique tueur. Peu à peu, les enquêteurs découvrent un homme au profil, disent-ils, hors norme, comme le raconte Mathilde Visneau sur France Inter. Oui, hors norme, c'est ce que répète plusieurs fois un commandant de police. Parce que dès la garde à vue, Gabriel Fortin s'est montré totalement muet. Pas la moindre réaction en 34 ans de carrière. Je n'ai jamais vu ça, martèle le policier. Quand il perquisitionne son logement, l'appartement de sa mère, où il vit seul dans une petite cité de Nancy, les enquêteurs découvrent un débarras délabré et surtout des notes sur un ordinateur, des centaines de milliers de pages, insiste le commandant. La police a dû appeler des renforts pour tout éplucher. Depuis 20 ans, Gabriel Fortin écrivait tout ce qui lui passait par la tête, consignait ses dépenses, ses déplacements, décrivait les gens croisés dans la rue, notait les plaques d'immatriculation. Craignant un suicide, on conduit Gabriel Fortin dans une unité psychiatrique. Mais qu'en pense-t-on à Nancy ? Dans sa cité, sa voisine s'exclame. Quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit, mais c'est pas possible. Lui qui était si calme, qui ne fréquentait personne. C'est souvent ce qu'on dit dans ce genre d'histoire. L'assassin a rarement le profil de l'assassin. Mais une autre voisine pondère tout de même. Oh, il était parfois un peu dans son monde. Hein. Son monde, un euphémisme. Car le monde de Gabriel Fortin était peuplé de rêves, de vengeance. Et depuis longtemps. Pour le comprendre, il faut remonter le temps, jusqu'à sa naissance, 45 ans plus tôt. Il est le second fils de Francine Fortin, dont la grossesse se passe mal. En cause, le père, un doctorant qui a décidé de retourner vivre seul au Gabon. Ce fils, il ne le reconnaîtra donc jamais. Raison pour laquelle le petit Gabriel porte le nom de sa mère, contrairement à son frère aîné, Olivier. Il grandit donc dans cet appartement de Nancy, que 40 ans plus tard, la police visite. Une voisine nonagénaire raconte. Avec la mère, ça filait droit hein, quand ils étaient gamins. Elle ne les laissait pas sortir, ils ne jouaient pas dans la cour. Et puis elle leur a payé de grandes études. Mais je n'ai jamais vu de père. Et pour cause, madame, personne ne verra jamais ce père qui n'a été qu'un géniteur. Ce qui n'empêche pas Olivier, le grand frère, de mener des études brillantes et de trouver un emploi dans une institution européenne. À bien y réfléchir, tous s'accordent à dire qu'entre Olivier et Gabriel, c'était le jour et la nuit. En 99 toutefois, Gabriel sort diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Metz. Ne lui reste plus qu'à trouver un emploi et à étoffer sa vie affective, qui est désertique. En juin 2023, pour le journal Le Monde, Pascal Robert-Diard revient sur ces années-là. Qu'en pense son entourage ? Michel T. était instructeur dans un club d'aéronautique à Nancy. Parmi ses élèves, un ingénieur qu'il appelait Gabi et qui venait tous les week-ends des jours fériés aux soirées crêpes. Il était passionné de planeur. En ce début des années 2000, Gabi a signé un contrat dans le bureau d'études d'un équipementier allemand qui lui permet de réaliser son rêve, voler. Il espère même en faire son métier en passant les concours de l'aviation civile. Mais il est recalé. Il se lie alors d'amitié avec un autre ingénieur, François T., qui se souvient. On parlait informatique, voiture, filles et surtout vol à voile. Hélas, l'insouciance ne dure pas. En 2003, son bureau d'études est délocalisé. Gabriel quitte l'Allemagne, le club d'aéronautique, et trouve un CDI chez Francel, en Normandie. Mais il ignore qu'un plan dit « social » se prépare. 2 ans plus tard, la vague de licenciement est lancée. À la manœuvre, Bertrand Méchel, assisté de la jeune Estelle Luce. Concernant Fortin, le plan est classiquement antisocial. Le binôme de la direction des relations inhumaines choisit un licenciement lié à une faute grave. Pourtant, on ne lui reproche pas d'avoir piqué dans la caisse ou autre délit, mais un manque de performance, ce qui est évidemment parfaitement subjectif. Gabriel prend donc la porte sans bénéficier des indemnités négociées par les syndicats. Il tente un recours au prud'homme, mais sa démarche n'aboutit pas. Puis c'est à Valence, chez Faune Environnement, qu'il retrouve un emploi. Il y occupe un poste de dessinateur industriel pour camions poubelles, poste pour lequel il semble surqualifié. 2 ans plus tard, un 24 décembre, il reçoit sa lettre de licenciement. Lorsqu'il ouvre l'enveloppe, en guise de cadeau de Noël, il lit les mots suivants. Manque de fiabilité évident, insuffisance professionnelle. Puis en guise de conclusion, cette phrase terrible. Vous ne délivrez pas le niveau de justesse attendu. Signé Géraldine Caclin. Joyeux Noël. Gabriel Fortin n'a que 35 ans et déjà, il s'enfonce dans le chômage. En fin de droit, il rentre à Nancy et s'installe dans l'appartement social de sa mère où il vit du RSA, totalement déclassé. Côté amitié, il voit de moins en moins François qui s'est marié. Chacun mène sa vie tandis que lui reste sur le carreau. Ses seuls plaisirs sont alors les virées à la bibliothèque municipale ainsi que les séances de baltrap qu'il pratique dans un club de tir. Peu à peu, se met en place une vie austère qui se déploie sur 10 ans. Un isolement doublé d'un sérieux syndrome de persécution, car régulièrement, il écrit au procureur ou au ministre pour leur confier être victime d'écoutes téléphoniques, ou qu'un vaste complot l'empêche de travailler. Et il enrage de ne recevoir aucune réponse. Une frustration qui trouve un écho dans le mouvement des Gilets jaunes, auquel il participe. Puis vient le Covid, qui n'arrange rien. Son frère le confirme. Il tenait des propos complotistes après avoir fait des recherches sur l'affaire Raoult et sa chloroquine. Alors il prend des notes, de façon obsessionnelle, comme le raconte Julie Braffman dans Libération. Depuis les années 2000, Gabriel Fortin tient le journal d'un quotidien qui déraille, fait d'obsessions en pagaille. Plus il se retire du monde, plus il écrit. Un dossier intitulé « Valence » regroupe des considérations sur l'agriculture, l'histoire du syndicalisme, la généalogie et la musique. Un autre, 2030 pages, concerne la baisse des APL, l'écologie, l'affaire Benalla ou la politique européenne. Ces rares interactions extérieures font l'objet de descriptions quasi policières, comme Sylvie, 34 ans, 1 780 € par mois, fan de moto. Côte à côte, il note le nombre de ses pas, le relevé de plaques d'immatriculation et les repérages de ses futurs crimes. Des repérages qui se concentrent effectivement sur Estelle Luce, Bertrand Méchel et Géraldine Caclin. Avec leurs adresses, le nom de leurs proches ou l'école de leurs enfants. C'est aussi la période durant laquelle il crée les faux profils sur les réseaux et prend l'habitude de parler de lui à la troisième personne. Ainsi, en septembre 2020, il écrit « 5h40, 6h20, GF, autrement dit Gabriel Fortin, surveille Eschensviller, la commune où vit Estelle Luce. » Il s'intéresse aussi aux deux avocats qui ne l'auraient pas satisfait au moment de son licenciement de Francel. Le premier a refusé de le représenter au prud'homme, l'autre l'a mal défendu. Alors il note leurs adresses en région parisienne et prend des photos. Mais ce n'est pas tout, car il étudie aussi le profil d'Alex Perrin, le procureur de la République de Valence. Un magistrat auquel il voue une haine tenace, après qu'il a classé sans suite ses dépôts de plainte liés à son licenciement par faux d'environnement. Une haine qui l'obsède jusque dans sa cellule, où il écrit ces mots. Quand la justice a eu tellement de défaillances, les procs sont responsables. Ils devraient être sur le bord des accusés. C'est ainsi que la procédure se déroule sans lui, comme lorsqu'il refuse de recevoir l'huissier venu lui apporter la liste des témoins ou que ses avocats peinent à lui rendre visite. En décembre 2021, il refuse même de participer aux reconstitutions, préférant rester dans le fourgon pénitentiaire. Dans le secret de sa cellule, en revanche, il continue de noircir des dizaines de pages, remplies de notes pleines de fiel. Une seule lettre est destinée à sa mère, que finalement, il n'envoie pas. L'avocat de la famille de Patricia Pascion, Denis Dreyfus, affirme « L'attention extrême de ses actes criminels n'est pas retombée. Elle se poursuit par la radicalité de son mutisme. » Le 14 juin 2023, son procès s'ouvre devant la cour d'assises de la Drôme, à Valence. On découvre alors sa peau métisse, son visage rond, ses silences, ses obsessions. Car d'emblée, l'homme se pose en victime. Il n'éprouve aucune compassion pour les familles, comme l'explique l'avocat de Pôle emploi, Alain Jakubowicz. Aujourd'hui, on voit qu'il est véritablement obsessionnel. Il est enfermé dans sa tête, dans son corps, et est totalement insensible à la douleur des familles qui se trouvent derrière lui, pour lesquelles il n'a pas un mot. Je pense que chaque fois qu'on va lui donner la parole, il va reprendre son petit mot qu'il va lire. C'est de la faute du procureur, c'est de la faute des gens que j'ai alertés. Je ne suis pas responsable. Soudain, une jeune fille habillée en noir s'exclame. Qu'on cesse de parler du tueur de DRH, mais du tueur de femme, de mère et de fille. Le président se tourne alors vers l'accusé. Vous entendez leur souffrance? Réponse, rien à déclarer. Oui, Gabriel Fortin reste indifférent face aux familles des victimes, mais aussi face à sa propre mère. C'est à peine s'il la regarde lorsqu'elle se présente à la barre. Elle raconte l'abandon du père, en l'absence duquel elle a élevé ses fils avec amour, le plus sérieusement possible. Mais lorsqu'on lui demande pour quelle raison elle n'est jamais venue voir son fils en prison, elle répond « C'est loin et ma voiture est en panne. » « C'est donc la première fois que vous le revoyez ?» insiste l'avocat général. Réponse de la dame « Oui, mais où est-il ? » Elle ne le reconnaît pas. Vertige. Après une pause, vient le moment où l'on apprend que la liste des victimes aurait pu être plus longue qu'elle ne l'est déjà. Car à la barre, apparaît Maude, une architecte de 47 ans. Elle concède un flirt avec l'accusé lorsqu'ils étaient au lycée. Puis, 15 ans plus tard, voilà qu'il la contacte via le site Copain d'abord, ou Copain d'avant plutôt. Bien. Se revoir, pourquoi pas? Elle ne sait pas encore, mais elle est tout ce qui lui reste de sa vie d'avant, celle d'avant la honte, d'avant les licenciements. Alors rendez-vous est pris pour un déjeuner un samedi, durant lequel il lui demande « Merci de me dire que je n'étais pas qu'une passade, entre d'autres bras ». Mal à l'aise, Maud écourte le déjeuner. 2 ans plus tard, alors qu'elle poste sur Facebook une photo de son fiancé, Gabriel lui envoie un commentaire acerbe. Furieuse, Maud lui répond « Tu es un grand malade » et décide de le bloquer. Alors Gabriel réagit avec ces mots « Allumeuse qui voulait un plan cul ». 9 ans plus tard, sa colère n'est toujours pas passée. Le voilà qui la surveille chez elle à Nanterre. Dans ses notes, il détaille son immeuble sans barrière et donc accessible depuis la rue. Et surtout, son habitude de repas vers 19h. Voilà pourquoi, le 27 janvier 2021, après avoir assassiné Estelle Luce et tenté de tuer Bertrand Méchel, la voiture de Fortin apparaît à 4h20 dans une station-service de Port-Marly, à 10 km de chez Maude. Or, elle a déménagé. Et à la barre, son émotion est palpable. En avril 2020, j'ai déménagé à 800 mètres de chez moi, sans changer l'adresse du siège de ma société. J'avoue que c'est très anxiogène de se dire qu'on est épié chez soi, surtout lorsqu'on vit au rez-de-chaussée. Je ne pensais pas avoir suscité autant de rancœur de sa part. Depuis, je me dis que je dois peut-être la vie tout simplement à un déménagement. Maud n'est pas la seule à avoir échappé à Fortin. Dans la Hyundai du tueur, les policiers ont également retrouvé l'adresse de son ancien avocat basé à Chartres, ainsi que l'adresse d'Alex Perrin, le procureur de la République de Valence. Et ces notes sont très précises. On y trouve le moyen d'entrer dans le tribunal sans se faire remarquer. Il est écrit « Bâtiment arrière, escalier droit, premier étage, couloir central, bâtiment avant, entrée côté droit et gauche, égale, assise, gardée par les gendarmes ». Interrogé, Fortin déplie une feuille de papier manuscrite et déclame. Je souhaite dire que c'est beaucoup de mensonges dans la continuité des faits dont j'ai été victime. Toutes ces personnes, les procureurs et vous, monsieur l'avocat général, sont responsables de la situation. Puis il replie sa feuille calmement et se rassoit. Cet homme est-il juste paranoïaque ou totalement délirant? Les psychiatres ont du mal à livrer leurs expertises. À la barre, le docteur Ballet dépose un mince dossier devant lui et développe. Il est certain que les licenciements ont résonné en écho à son abandon natal et à une injustice saillante face à son frère aîné. Pour lui, perdre son travail, c'est à nouveau perdre son identité. Mais Gabriel Fortin a refusé de s'entretenir avec nous et nous avons renoncé au bout de 30 minutes à avoir un échange. Je pense toutefois qu'il ne présentait ni altération ni abolition du discernement au moment des faits. Il n'était pas coupé de la réalité. Il était dans sa réalité. C'était un processus entièrement maîtrisé. Une expertise révoltante pour Maître Romaric Chateau, l'avocat de la Défense, qui s'exclame. Vous n'avez pas vu de propos délirants, car il n'y a pas eu de propos tout court. S'il n'est pas capable de remords, n'est-ce pas justement parce qu'il est atteint de troubles psychiatriques? Je ne vous demande pas d'apprécier Gabriel Fortin, ni de choisir son acquittement. Mais de considérer que la peine la plus utile serait de lui permettre d'être soigné. Avec 2 jours d'avance, dit au silence de l'accusé, le verdict tombe, réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Fortin a fait appel. L'abolition du discernement n'a pas été retenue, mais a été inscrite l'altération, c'est-à-dire le délire paranoïaque. Un trouble qui effraie encore Maud et Bertrand Méchel. Ce dernier déclare... J'ai la ferme conviction que d'ici une vingtaine d'années, il viendra me chercher pour finir son travail. Et je devrais me cacher. Alors, que retenir de cette étrange affaire et de ce procès ? Ces mots de Gabriel Fortin qui dit préférer la détention à la déchéance sociale. Peut-être. Mais sa violence froide, son désarroi insondable. Le fait que les seuls qui disent l'avoir vu heureux soient les membres de son club de planeurs en dit long sur cette vie brisée qui en a brisé trois autres. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Gabriel Fortin, notre invité Marion Dubreuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse judiciaire pour RMC Info et vous avez suivi ce procès aux Assises à Valence, procès après lequel vous avez confectionné un podcast en trois épisodes, produit par RMC Paradisio, intitulé « Tueur de DRH ». D'abord, sait-on quand le procès en appel est programmé ? Oui, il est programmé en mai prochain. Sur 10 jours, un peu plus court que le premier procès, sans doute au regard du mutisme de Gabriel Fortin qui a poussé à sans doute ne pas mettre 2 jours d'interrogatoire comme c'était le cas en première instance. Bon, vu la gravité de son crime, c'est une mesure qui n'est pas suspensive. Évidemment, il est encore en prison. Qu'est-ce qu'il espère ? Je ne sais pas s'il espère vraiment quelque chose, mais en tout cas, il veut utiliser de toutes les voies de recours, en fait, de toutes les voies de justice auquel il a droit. C'est un procédurier. Il est paranoïaque et donc procédurier. Donc, il ne veut pas laisser une seule possibilité de recours à ses détracteurs. Ce que nous raconte cette histoire, vous serez d'accord avec moi, j'imagine, c'est d'abord celle d'un déclassement social. Heureusement que tous les déclassés n'agissent pas comme lui. Ce serait terrible. Mais enfin, c'est quand même un déclassement social. Oui, parce que sa mère, elle est laborantine, qu'elle a donné beaucoup de sa vie professionnelle et puis de son temps pour que ses fils réussissent. Son père, même s'il ne l'a pas reconnu, il était chercheur. Son frère aîné va devenir chercheur. Il a fait une école d'ingénieur. Alors, il est moyen, hein. c'est pas quelqu'un de brillant, c'est son ami Jacques, avec qui moi j'ai beaucoup échangé avant le procès, qui me l'a dit, on n'était pas brillants, mais on n'était pas non plus les plus cancres, mauvais. Ouais. Exactement. C'est un laborieux, donc il parvient malgré tout à obtenir son diplôme. En revanche, il va connaître plusieurs entreprises, parce qu'à chaque fois, en fait, il ne fait pas l'affaire. À chaque fois, il n'arrive pas à s'adapter au monde de l'entreprise, à ce que ça veut dire d'avoir des collègues, à ce que ça veut dire de confronter des points de vue, d'accepter une hiérarchie, tout cet univers-là professionnel de l'entreprise, c'est le monde de l'entreprise en fait qui va rejeter Gabriel Fortin parce qu'il ne va pas réussir à s'y conformer. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire au point de vous y pencher pendant plusieurs mois, d'en faire un podcast ? Ce qui m'a alerté en fait au départ, c'est vraiment le tout début du fait divers, au moment où on apprend que un homme a tué deux de ses anciens DRH, qu'il a tué une conseillère Pôle emploi. Évidemment, on se dit qu'il doit y avoir une histoire derrière ce périple meurtrier de 3 jours, la violence économique et sociale à laquelle on pense tout de suite, notamment les plans sociaux qu'on découvre assez rapidement. Moi, dès que je commence à travailler dessus, je découvre le plan social qu'il y a eu à France Allée Emerson, je découvre qu'à Faune Environnement, il y a une ambiance de travail qui est délétère, qui a un turnover très important, qu'on paye pas toutes les heures. Enfin, il y a une réalité sociale et professionnelle et c'est celle-là qui va m'attirer. Et puis progressivement, je découvre la personnalité de Gabriel Fortin. Et en fait, oui, il y a cette réalité économique et sociale, mais il y a aussi sa personnalité paranoïaque qui va faire que les enquêteurs vont retrouver des centaines de milliers, enfin 8 millions de fichiers dans son ordinateur parce qu'il y a des doubles, des triples, ça déborde de partout et qu'en fait, même s'il ne parle pas avec son entourage, s'il ne parle pas avec ses collègues, lui, il a une conversation avec lui-même qui est continue. Alors, au sujet de ses silences maintenant, parce que c'est vrai qu'il donne beaucoup d'informations dans ses notes, mais quand on l'interroge, notamment au procès, il est mutique. Pascal Robert Diard écrit dans le journal Le Monde du 24 juin 2023, donc par rapport au procès, l'indifférence de Gabriel Fortin à son propre sort a tout contaminé. Les débats devant la cour d'assises de la Drôme n'en finissent plus de s'étirer. Et l'audience, même, semble avoir perdu de son sens. Jamais on n'a vu à ce point la mécanique d'un procès criminel tourner ainsi à vide. Vous qui avez assisté au procès, vous avez ressenti cette sensation comme ça de procès qui tourne à vide. Ouais, on a tous été même gagnés un moment par une lassitude. Moi, j'ai entamé ce procès avec un enthousiasme parce que c'est une affaire que j'ai suivie, parce que je connaissais toutes les parties civiles, parce que j'avais envie de découvrir ce que Gabriel Fortin pourrait nous dire. Et en fait, quand il a commencé à lire son texte, son premier texte, un peu disque rayé, de dire que c'était de la faute du procureur, que c'était de la faute des prud'hommes, que c'était de la faute des autres, en somme, et qu'il l'a répété, en fait, on a tous été gagnés par une inertie. Nos visages à tous se sont un peu affaissés. Au départ, on allait au procès avec enthousiasme. Après, on y allait un peu à reculons en se disant, mais qu'est-ce qu'on va en tirer de tout ça? Et notamment pour les parties civiles, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir en tirer de cette audience? Et en fait, on tire toujours quelque chose des assises, même si là, en l'occurrence, c'était pas de Gabriel Fortin qu'il fallait l'attendre. L'autre paradoxe surgit avec la présence de sa mère à la barre. Elle est la première à être appelée pour témoigner, je crois. Et vous dites, je vous ai bien entendu, tous ont été émus par la mère, sauf lui. C'est terrible, parce qu'on raconte à quel point elle a bien élevé ses enfants, hein, non? Alors, bien élevé ses enfants, sa tante, en tout cas, dit qu'elle les a maltraités aussi, qu'elle a été très dur sur l'apprentissage, par exemple, de la lecture, que c'était aussi avec des réprimandes, et notamment physiques. Donc, il faut aussi relativiser l'amour de cette mère qui a sans doute été très présent, qui a voulu remplacer un père absent, mais qui a été aussi très très sévère. En fait, ce qui était terrible, c'est que quand elle est arrivée dans le procès, à la barre, elle n'avait pas vu, en fait. Elle n'a pas vu qu'elle était au procès de son fils. Et elle s'est rendue compte. Comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'elle est arrivée dans un silo, comme si il n'y avait que la cour qui existait. Et c'est un moment où elle s'est rendue compte que son fils était là et qu'elle lui a parlé. Et là, on était tous vraiment, moi j'y repense, j'étais émue, on était tous émus et les parties civiles notamment particulièrement émus. Mmh. Et lui, il n'a rien voulu lui dire. Ça lui a été proposé parce que pendant toute cette audience, le président, l'avocat général, lui ont tendu des perches, lui ont proposé d'échanger, d'interagir. C'est pas toujours le cas, hein, d'interagir du coup avec les témoins à la barre et notamment sa mère. Et il a rien voulu lui dire. France Inter. Affaires sensibles. Marion Dubreuil, on parlait de la mère de Gabriel Fortin. Elle pose question, elle aussi. Elle dit que si elle n'est pas allée voir son fils en prison, c'est que sa voiture était en panne, bon, pourquoi pas, et que si elle ne l'a pas appelé, c'est parce que sa ligne était piratée. Donc c'est la même vision complotiste de la vie que son fils, je crois même que les deux fils. C'est quoi cette famille complotiste? Alors non, pas que les deux fils. Olivier, si on vous fera pas. Olivier, il non. est vraiment. Alors, c'est lui quand il est venu déposer à la barre, on s'est demandé ce qu'il faisait dans cette famille. D'accord. De fou, parce que il était très rationnel. Pour le coup, lui, il a construit sa vie, il a son métier, sa famille. Non, la Francine Fortin, la mère de Gabriel Fortin, pour le coup, quand elle dépose à la barre, on comprend. D'où vient, enfin, on comprend beaucoup de névroses de Gabriel Fortin. D'abord la valeur travail, parce que pour elle clairement le chômage c'est une déchéance. Enfin, et donc elle juge très sévèrement son fils. En fait, on le comprend, elle le dit pas, mais on le comprend à travers ses propos. Et puis en effet, elle est complotiste, c'est-à-dire que elle se sent épiée, suivie. Elle a déposé elle aussi des plaintes. Elle est pour le coup pas gilet jaune, c'est-à-dire que comme Gabriel Fortin, il est pas allé sur les ronds-points. Hein. De toute façon, il aime pas les interactions sociales. Mais en revanche, il a relayé sur les réseaux des publications des gilets jaunes. Elle est dans cette même matrice complotiste, ouais. Alors, dans le genre préméditation, lui, il bat des records. Vraiment, il bat des records, puisqu'il s'en prend à ses victimes 15 ans après les faits. Il y a cette liste, on a cité quelques noms dans le récit. Je crois que la liste n'est pas close. Hein. Non, la liste est très longue. Quand il arrive à Faux d'Environnement, par exemple, l'entreprise qu'il a employée à Guilherand-Grange, où il tue Géraldine Caclin, il a demandé deux autres noms avant d'arriver à Géraldine Caclin, c'est-à-dire les autres membres de la direction. On sait que dans ses notes, il y a aussi des membres de la direction de France à l'Emerson. Il y a du coup ces deux avocats au prud'homme qui sont pas allés au bout avec lui. Et en fait, on le comprend aisément. Ils n'ont pas pu travailler avec lui parce qu'il n'est pas accessible au réel, il est dans son monde à lui. Donc potentiellement, la liste est longue de tous ceux qui l'ont froissé un jour. Et comme il note tout, il est très rancunier. En effet, on peut imaginer qu'il a encore d'autres cibles en prison. Et heureusement pour ceux qui pourraient se sentir visés, à juste titre, que cet homme soit en prison. Apparemment, à perpétuité. Hein. Oui, il est en prison à perpétuité. Et puis, il faudra. Ça va être difficile pour un Gabriel Fortin après ses 22 ans de sûreté, s'il est condamné à la même peine en appel, d'envisager de demander un aménagement de peine. Il faut savoir qui est-ce qui va bien pouvoir accueillir Gabriel Fortin à l'extérieur. Bien sûr. On va écouter la voix, si vous voulez, les propos de Bertrand Méchel. Donc, Bertrand Méchel était l'un des agressés, mais lui s'en est sorti. Il témoigne au micro de Damien Triomphe de France Bleu de Romardèche, c'était le 20 juin 2023. Je viens de passer 2h45 dans une partie où j'ai l'impression que c'était moi le coupable. Là, faut me laisser un peu récupérer. La défense est revenue sur son rôle de DRH, sur cet entretien avec Gabriel Fortin en août 2006. Estelle Luce, stagiaire de Bertrand Méchel à l'époque, était présente. Gabriel Fortin s'est vengé. On n'en serait peut-être pas là s'il avait compris ce licenciement, ose l'avocate de l'accusé. De quoi secouer Bertrand Méchel. On n'a toujours aucun début d'explication sur le fait de tuer trois femmes en se faisant justice soi-même, puisque quelque part, c'est quand même de ça dont on parle. Quoi. Enfin, c'est du délire. Quoi. C'est très compliqué. En évoquant Estelle Luce, sa voix tressaille et surgissent comme des remords quand il revient sur cette soirée du 26 janvier 2021 où lui a eu la vie sauve. Il raconte avoir poursuivi Gabriel Fortin. Ouais, mais il a réussi à se dégager. J'ai pas réussi à l'arrêter, mais si j'avais pu, si j'avais au moins pu éviter les dernières, il y aurait eu deux femmes de moins. Une psychologue est venue à la barre pour parler de Bertrand Méchel. Il présente un syndrome de stress post-traumatique et un syndrome dit du survivant, une culpabilité intense et irrationnelle. Syndrome de survivant. Vous l'avez rencontré, Bertrand Méchel ? Oui, je l'ai rencontré. J'avais essayé de le contacter avant l'audience, et puis il était inaccessible. Il a été traumatisé vraiment par ce qui est arrivé. Et puis, c'est fou parce qu'on a entendu à l'audience l'appel à la gendarmerie qu'il a fait juste après les faits, où il décrit la scène, mais il a une mémoire photographique, il a retenu énormément de choses de ce qui s'est passé avec Gabriel Fortin. Alors, il ne l'a pas reconnu, mais il pense tout de suite à son métier de DRH comme mobile possible. Bien sûr. J'ai pu le voir après, on a échangé en dehors de l'audience il est traumatisé, il est surtout traumatisé parce qu'il se sent responsable de la mort d'Estelle Luce, qui n'était que stagiaire quand Gabriel Fortin a été licencié et qui a juste fait les travaux préparatoires de son licenciement. C'est pas elle qui l'a décidé. Oui, ben oui. Ce sera le mot de la fin, Marion Dubreuil, merci infiniment. Je rappelle que si vous vous intéressez à cette histoire, vous pouvez réécouter à satiété cette émission d'Affaires Sensibles, bien sûr, mais aussi le podcast en 3 épisodes de Marion Dubreuil, produit par RMC et Paradisio. C'est un podcast intitulé « Tueur de DRH ». Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Gabriel Fortin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Titouan Labarre.